Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le lundi 21 juin 2021, il est un peu plus de 14h, il est presque 14h03, nous sommes un petit peu en retard mais c'est pas grave. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition je reçois par téléphone et pour la fête de la musique, ça tombe bien, Papillon, chanteur et musicien, donc ça tombe bien, qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteur et de musicien. Donc bonjour Papillon. Bonjour. Comment ça va? Merci de m'accueillir. Et puis bonne fête à tous de la musique, pour les passionnés de musique. Écoutez, ça va plutôt bien. Parfait. Voilà, on remonte la pente, je vous expliquerai un petit peu tout. Mais ça va plutôt bien. Parfait, c'est le principal. Donc avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier d'avoir accepté mon invitation, car je vous ai connu grâce à un célèbre réseau social sur lequel vous aviez posté quelques extraits de vos titres. Donc après j'ai fait mes petites recherches de mon côté et j'ai pris la décision de vous contacter, et du coup ça m'a fait plaisir de voir que vous avez accepté. Je vous en remercie accepté. Aussi. Hein. Avec plaisir. Je vous en remercie aussi, ça fait toujours plaisir d'être convoité. Avec plaisir. Donc, avant de parler de votre carrière à proprement dit, quel a été votre parcours personnel? Est-ce que vous avez fait, on va dire, des études musicales, ou est-ce que vous ne vous êtes dirigé vers la musique que plus tard? Alors, en sortie de terminale, oui, j'étais à la faculté comme tout le monde. J'ai commencé par aller en faculté de sport. Et j'ai fait mes classes, comme d'habitude. Et et puis j'ai fait 3 ans. Donc de sport, et puis je me suis orienté vers la musique tout de suite. Voilà, je voulais savoir ce que c'était exactement. J'étais passionné de musique comme beaucoup de gens, et je suis passé par la faculté de musique, voilà, pour laquelle j'ai fait 3 ans. Ah, d'accord. C'est là où j'ai commencé à apprendre un petit peu de toucher un peu aux instruments, un petit peu, voilà, comme tout le monde. D'accord, faculté de musique du côté de Paris. Oui. Ok. Tout à fait. À Saint-Denis. À Saint-Denis, d'accord. Et justement, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de voir que vous avez fait, il y a quelques années, fait partie d'un groupe de musique de reggae au tout début en tant que clavier. Exactement, vous allez rigoler. Eh oui, j'étais clavier dans un groupe de reggae, d'ailleurs que j'ai rencontré à la fac de musique. D'accord. Voilà, c'était assez intéressant. Je voulais commencer voir un petit peu. Je voulais me lancer dans le bain, et puis j'ai atterri dans ce groupe-là avec le meneur avec le chanteur principal, qui à l'époque s'appelait Dieu Nord, qui était mon acolyte, mon copain de classe, et au jour d'aujourd'hui il est maire. D'accord. Ça c'est pour la première anecdote. Il est maire d'une ville, donc après il a été professeur de musique et tout, et voilà, il est devenu maire de ville. Bref. C'était assez sympathique. À l'époque, on faisait le tour des MJC. Et c'était un peu mes premières scènes, voilà. On faisait des concerts au travers des MJC. Et là, ça, c'était très, très plaisant. Enfin, j'en ai gardé des bons souvenirs. Même si c'était pas toujours musicalement très sympa, mais on avait un grand public qui nous suivait tout le temps. Mais c'est le principal. Et donc, justement, dans votre carrière, vous avez eu l'occasion de traverser des piano-bars et les scènes de cabaret de la région parisienne? Oui, j'ai été à Gesson, aux Trois Maillets. C'est un cabaret qui est à Saint-Germain, là-bas. Et en fait, voilà, il y a un ami à moi qui me disait qu'ils avaient besoin d'un ingénieur de son à l'intérieur. Je suis allé un soir, je dis bonjour, c'est moi qui suis le nouveau. Voilà, c'était avec, à l'époque, Jacques Bonny, voilà, que son âme repose en paix, puisqu'il nous a quittés cette année. Et j'ai eu la chance, voilà, de faire partie aussi de cette aventure-là, des Trois Maillets, voilà, qui a connu la gloire et les débuts de Danny Vriant et plein d'autres encore. Et voilà, je suis resté là-bas un an. D'accord. Et donc ensuite, vous vous êtes orienté plutôt vers une carrière solo? La carrière solo est arrivée un peu plus tard. Est arrivée un peu plus tard, on va dire. En 2013, j'étais avec un ami qui s'appelait Wesley, et il a été sollicité par The Voice pour faire partie de l'émission. Et en fait, je m'occupais de lui, puisque je suis voilà, j'étais agent, musicien, toujours dans ce domaine-là, dans l'artistique. Et on a eu la chance. Ah, allô? Pop de Kenji, de Amir. Vous m'entendez? Ça coupe. Ah, D'accord, pardonnez-moi. C'est pas grave. Je disais qu'en fait, nous étions en 2013 sollicités par The Voice et on a eu la chance, enfin, Wesley a eu la chance d'aller jusqu'en finale. C'était l'époque de Kenji, Amir, Maximi à l'époque. Et voilà, jusqu'en finale, donc très grosse expérience. Et puis à la suite de ça, j'ai eu envie de me lancer seul, de faire mes premières armes. D'accord. Et donc justement, toute cette émission va être concentrée sur votre carrière solo principalement. Donc comment décririez-vous oui. votre style de musique à vous? Concrètement, c'est j'aime l'écriture, j'aime la musicalité. D'accord. Et j'aime voilà, c'est de la pop française. Voilà, si on peut résumer en quelques mots, voilà, c'est de la pop française. D'accord. Et donc pourquoi ce style de musique en particulier, pourquoi la pop et pas le rock ou le metal ou autre? Tout simplement, c'est que j'aime raconter des histoires et ce qui est important, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, c'est facile de faire des chansons entre guillemets actuellement. Je trouve que c'est un peu faible au niveau des paroles et au niveau musical. Donc après, ça, c'est un style qui m'est propre à moi. Ben, sinon, on n'existerait pas, quoi. C'est avoir son propre style, c'est assez important. D'accord. Je trouve. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'est que je crée donc mes propres musiques sous forme électro pop et tout simplement démontrer qu'on peut le faire aussi en acoustique. Donc j'aime aussi je suis instrumentiste aussi, enfin musicien, donc je joue du piano, de la guitare et voilà, c'est une forme aussi de montrer que la musique elle peut s'écouter sous différentes formes, sous différentes styles musicaux, c'est important. D'accord. Et donc du coup, concernant votre carrière solo, votre nom de scène, comme nous l'avons dit, c'est Papillon comme l'animal. Donc pourquoi ce... comme l'insecte, oui. L'animal c'est un peu gros. Oui, comme l'insecte, d'accord. Donc pourquoi ce nom de scène Papillon? Écoutez, ça me suit depuis des années. Voilà, c'est un ami qui m'avait appelé comme ça en rigolant, en me disant écoute Papillon ça va, et puis c'est resté, et du coup au jour d'aujourd'hui... ça fait partie de mon univers. Et puis Papillon, il y a un côté éphémère, il y a un côté voilà, loin de ce que l'on pourrait penser coureur de filles. Non, c'est un côté éphémère, c'est un côté comment on pourrait dire. Puis il y a aussi l'expression visant à dire que les battements d'ailes d'un papillon peuvent faire trembler le Japon. Donc voilà, il y a plein d'explications comme ça. Hein. D'accord. Puis il y a aussi cette connotation de vivre la journée, la durée de vie d'un papillon. Certains papillons peuvent vivre un jour. Voilà, ça pourrait être une explication aussi pour... voilà, pour... comment vous dirais-je? Après, voilà, c'est spécial. Ça me suit depuis quelques années, puis c'est comme ça, c'est resté. D'accord. Et donc, vos titres solo, du coup, est-ce qu'ils sont autoproduits ou est-ce que vous avez la chance d'avoir un producteur ou une productrice pour vous épauler, vous guider, vous aider dans votre aventure musicale? Non, j'ai pas la chance pour l'instant d'avoir de producteur. Tout est autoproduit par moi-même et puis coécrit j'ai formé une petite équipe de production, tout simplement. Voilà, je travaille avec des gens compétent entre guillemets, enfin, c'est une équipe, vous savez, c'est une harmonie. Voilà. Mais en tout cas, non, je n'ai pas la chance d'avoir de producteur ni de label. Pour l'instant, je suis en autoproduction et puis voilà. Et puis on verra bien comment ça se passe à l'avenir. D'accord, et donc, comme beaucoup d'artistes autoproduits, vous n'avez malheureusement pas la chance d'en vivre encore aujourd'hui? Non, pas encore, mais bon, vous savez, on ne sait jamais comment que ça se passe. Hein. C'est vrai. Bah, j'ai entendu parfois que j'ai un ami à moi qui disait que la chance serait-ce une faute professionnelle. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je développe. J'ai la chance de pouvoir faire de ma passion. Ma femme me laisse, en tout cas, libre choix de mon train de vie. Donc, je suis dans mon studio toute la journée et j'avance sur ma production, sur mes albums. Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai un album et demi qui est déjà fait. Et d'accord. Puis j'avance pour mettre tout ça en image petit à petit. D'accord. Et donc, sur Internet, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de voir que nous avons le droit à quelques clips de vos morceaux, enfin surtout à un clip pour la chanson « Dehors ». Oui, tout à fait. Et pourquoi ne pas avoir, parce que je sais que la chanson que nous allons écouter juste après, qui s'appelle « Ne t'arrête pas », elle n'a pas encore de clip ? Non, elle n'a pas. Eh ben, enfin, volontairement, non, je n'ai pas fait de clip. Parce que lorsque je l'ai sorti, tout simplement, non, j'ai préféré faire un clip par la suite, voir comment ça allait être perçu par les gens, par le public. Et ce que j'ai fait, donc un jour j'ai appelé un ami qui est caméraman. Je lui dis, viens au studio, écoute, il faut j'ai besoin de tes services, voilà. Et puis c'est parti de ça où le seul clip de cette chanson-là a été fait en acoustique. Donc on s'est retrouvé en studio à jouer ce titre-là. Lui m'a filmé. J'étais au piano accompagné d'un guitariste. Et je dois dire que voilà, je l'ai diffusé sur Facebook, non sur YouTube. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on a dépassé 1 200 000 vues. Ah oui, quand même. Sur la version acoustique, oui. Quand même, c'est un sacré nombre, déjà pour un premier morceau. Oui, donc en fait, c'est pour ça, en fait. Vous avez la carrière d'un artiste, je pense, moi, elle a des rebondissements en fonction des auditeurs qui on fait de la musique pour nous, mais on fait aussi de la musique pour les autres, pour les gens, pour les gens qui nous écoutent. Donc j'ai vu que ça... Les gens aimaient plus ou moins ce style musical-là quand c'était un peu acoustique. Et donc, je me suis posé la question de savoir si je devais pas rester dans cet esprit-là plutôt que l'électro. Donc, pour l'instant, je continue dans cet esprit-là. Et c'est pour ça que Dehors a vu naître le jour. C'est un morceau que j'avais écrit il y a 3 ans et demie maintenant. D'accord. Et donc, oui. En préparant cette émission, justement, vous parlez de votre titre « Dehors ». J'ai eu l'occasion de lire qu'à travers vos morceaux, et justement, en particulier à travers votre morceau intitulé « Dehors », que nous écouterons un peu plus tard, vous mêlez désarroi et incitation à une prise de conscience collective. Donc, est-ce que c'est tout à fait. Est-ce important pour vous de mêler ces différentes valeurs à travers vos morceaux ? De mêler tous ces mots-là, oui et non. Ce qui est le plus important, c'est la prise de conscience des gens en général. Puisque dehors, je parle d'un sans-abri. Mmh. Je parle... voilà, c'est quelque chose pour moi qui est très important. J'ai du mal à concevoir le fait qu'il y ait des gens qui puissent dormir dehors encore. Et malheureusement, ça existe. Et en fait, là où vraiment je voulais attirer le regard, c'est sur les gens. Le regard des gens qui regardent ces hommes et ces femmes qui dorment dehors. Et moi, le premier, on a tous eu cette occasion-là de passer devant quelqu'un sans dénigrer cette personne-là plutôt que d'aller vers lui. Et je trouve que c'est une forme de lâcheté qu'on peut avoir, mais encore une fois, c'est difficile de leur tendre la main ou pas. Donc, c'est cette prise de conscience-là que pour moi qui est importante. D'accord. Donc... voilà, si les gens, à travers ce titre-là, se disent, tiens, bah, alors je vais leur apporter peut-être un peu de réconfort à travers un sandwich, une boisson, n'importe quoi, ou une aide pour ceux qui peuvent le faire, ne serait-ce que de ne pas penser qu'à soi un jour. D'accord. Et donc justement, est-ce que vous diriez que vous êtes un chanteur à texte ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre, ce serait prétentieux de ma part. En tout cas, je m'efforce de décrire des choses qui ont un sens, un texte qui ont un sens. Je m'efforce de le faire. Parfois, ça peut être... Je laisserai tout simplement vos auditeurs au travers des retours. J'aimerais bien qu'ils me laissent juste un petit message, savoir ce qu'ils en ont pensé, et puis ça à eux de pouvoir nous dire exactement. Ce serait un beau cadeau, en tout cas. D'accord. Et donc, nous en avions parlé un tout petit peu en début de cette émission. Vous avez fait des études, du coup, musicales. Vous avez également été dans un groupe. Mais comment, à la base, vous est venue cette passion pour la musique ? Elle naît à l'intérieur, en fait. Être musicien, être artiste... Vous savez, il y a celui qui est chanteur, qui interprète des chansons que les autres ont chantées, qui leur appartient. Être artiste, c'est... composer des chansons, c'est un luxe, et puis pouvoir les chanter à un public, je crois que c'est ça, être artiste, c'est particulier. Je crois que ça naît à l'intérieur. On est artiste, je pense. On le devient à par la suite, c'est évidemment, si on en a décidé, mais je pense qu'au fond de soi, on a cette partie décuplée d'émotions et décuplée de choses. On a besoin de raconter des choses. Je pense que c'est d'une psychanalyse, peut-être. D'accord. Donc il va bientôt être 14h18. Avant d'approfondir le sujet encore plus, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un de vos titres, et que nous écoutions le morceau du coup qu'on parlait un peu plus tôt, intitulé « Allez, super. Ne t'arrête pas ». C'est d'ailleurs votre premier single qui est sorti en avril 2020, il me semble. Exactement, en juillet 2020, c'est l'acoustique, en juin 2020. D'accord, ok, juin 2020. Donc on écoute ce morceau « Ne t'arrête pas » et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Mon miroir me dit comme le temps passe. Je ne peux partir sans laisser de traces. Trop longtemps j'ai dû céder ma place. Trop de temps j'ai mis à résister. Forcé de me rendre à l'évidence, je ne dois plus attendre qu'on me laisse ma chance. Et si tu es comme moi, prêt à franchir le pas, écris l'histoire, toi de faire ton choix. Sache que si tu n'oses pas, personne ne le fera pour toi. On ne vit qu'une fois, foncez, ne t'arrête. Parfois te tendre la main. Relâche pas l'idée, tu l'as peut-être croisée. À toi de voir quel est ton chemin. Laisse-toi bercer par cette ambiance. Besoin de faire entendre ce que tu penses. Et si tu es comme moi, que tu es sûr de toi. Retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h21. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio partout en France et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogemozo.radio-website.com/. Vous venez d'écouter Papillon avec son morceau Ne t'arrête pas. Vous nous écoutez, peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, comme je le dis toujours, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Papillon, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de sa carrière de chanteur et de musicien. Ça va toujours ? Oui, tout va bien. Parfait. Donc, avant de poursuivre, j'aime toujours poser cette question à mes invités. Quel message, s'il y en a un, voulez-vous faire passer à travers ce morceau « Ne t'arrête pas » ? Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de messages que j'ai reçus à travers ce morceau-là. C'est tout ça, c'est simple. Ne t'arrête pas, c'est-à-dire que lorsqu'on a un objectif, si on a envie de faire quelque chose, il n'y a personne qui peut nous empêcher d'y arriver. Et ça marche, vous savez aussi bien, je ne sais pas, lorsqu'on est malade, je ne le souhaite à personne, mais il y a toujours ce besoin d'aller de l'avant parce que il faut être positif dans tout ce qui nous arrive. Je crois que c'est le message le plus important, la positivité. Être toujours positif et puis foncer. Quand on a un objectif, eh ben, il faut s'y tenir. Et puis, il n'y a personne qui le fera à notre place, quoi. C'est important. C'est une sorte d'encouragement que vous faites aux personnes qui écoutent vos chansons, enfin, surtout qui écoutent la chanson « Ne t'arrête pas », c'est vous les encouragez à toujours aller de l'avant. Tout le monde se doit d'aller de l'avant. Tout le monde se doit d'aller de l'avant. Pour exister, il faut commencer par un début. Et puis, il faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout, sans compter sur personne. On doit juste avancer et compter que sur soi-même. Quoi. D'accord. Ouais, il faut foncer. D'accord. Donc justement, est-ce que vous diriez que pour vous, la musique est comme une sorte de journal intime, un exutoire, un genre de sac de sable musical? On peut le dire, oui, ça, c'était une forme d'exutoire, mais on en a parlé au début un petit peu lorsque je vous dis que c'était une forme de psychanalyse. Oui, bien sûr, c'est un exutoire, parce que je laisse libre aux gens de savoir qui je suis, comment je suis et ce qu'on pense, mais lorsqu'on écrit quelque chose, il y a forcément soit une personne qu'on a rencontrée, soit nous-mêmes, tout simplement, nous sommes les meilleurs exemples, les meilleurs exemples d'inspiration, c'est sûr. Je sais que c'est très très important d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de ce qu'on pense, ouais, d'essayer de toucher nos rêves. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite. C'est du no limite. La vie est une no limite, sauf si elle nous en empêche. Mais c'est ma façon de penser, en fait, en tout cas. D'accord. Et donc justement, pour faire un petit rapprochement avec ma question précédente, pour beaucoup de personnes, la musique sert de beaucoup de choses. On peut en écouter quand nous sommes tristes, quand nous sommes heureux, en tout temps, en fait. Oui. Donc, est-ce une bonne chose pour vous que la musique contienne plusieurs facettes et qu'elle peut convenir à tout un chacun selon les différentes humeurs et les différents mots M-A-U-X que la personne peut ressentir ? Évidemment, évidemment. Tout comme les combattants, vous savez, en fait, la musique, c'est quoi ? C'est de tout temps. À l'époque, il y avait la musique classique qu'on entendait, mais bon, à l'époque, ça avait un autre sens. Un combattant, lorsqu'il rentre sur un ring de boxe, ou dans une cage, ou quel que soit l'endroit, il a une forme de motivation musicale. Quoi qu'il arrive, il est obligé d'avoir pour lui la musique, par exemple, c'est une forme, voilà. En écoutant sa musique, il va se mettre dans sa bulle. Lorsqu'on est content et quand on écoute une musique dynamique, on va être encore plus motivé. Si on a un coup de cafard et qu'on est un peu dépressif, si on vous met une musique un peu triste, je pense que vous allez peut-être en arriver aux larmes. Il y a pas mal de choses comme ça, donc je pense que la musique, elle nous suit toute notre vie, bien sûr. D'accord. Et donc, elle nous suit toute notre vie, bien sûr. D'accord. Et donc maintenant, je vous propose, on va s'en plonger un petit peu plus sur votre titre « Dehors », justement. Donc pour continuer un petit peu à parler de votre titre que nous écouterons juste après, j'ai lu en préparant cette émission, et je l'ai compris en écoutant cette chanson, et comme vous l'avez dit en début d'émission, que ce titre parle des personnes sans-abri. Vous racontez le malheureux quotidien des sans-abri et vous vous mettez en quelque sorte à leur place. Donc est-ce important pour vous de vous mettre à la place des personnages, entre guillemets, de vos chansons ? Je peux pas me mettre à leur place parce que y a des choses que j'ai pas vécues. Donc c'est important de le raconter parfois. Si je l'ai vécu, oui, je pourrais vous dire que ce serait. On arrive à chanter l'amour, la haine, la joie, parce qu'on sait ce que c'est. Maintenant, voilà, je pense que c'est important. D'accord. Et justement, à travers ce titre, vous souhaitez, je cite, faire une piqûre de rappel et un appel à la solidarité vers tous ces oubliés de notre société. Fin de citation. Tout à fait. Donc, nous retrouvons ici cette, quelque part cette volonté de passer un message. Vous souhaitez faire passer le message qu'il faut aider ces personnes malheureusement en mauvaise situation. Tout à fait. Ben, ça, c'est moi. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour moi de faire quelque chose. Et j'ai toujours pensé que voilà, je suis personne, je suis qu'un simple chanteur, et je me dis, est-ce que mon message, même si je suis personne encore, est-ce que les gens peuvent être touchés par ce que j'ai fait, par ce que j'ai écrit? Et j'ai même rappelé sur YouTube, d'ailleurs, lorsque j'ai diffusé ce clip-là, des liens avec des associations pour justement lutter, qui aident les sans-abri. Voilà, même les Restos du Cœur et d'autres que dont j'ai cité sur YouTube. Voilà. En tout cas, si vous écoutez les gens qui écoutent votre radio, si elles peuvent aller sur YouTube, ça me ferait très plaisir. Voilà, si elles peuvent même un euro y faire un petit don, et ben voilà, ça, si on peut aider les gens, je sais pas de quelle façon. On peut pas aider tout la misère du monde, mais si on peut faire un geste, et ben ce sera. Ce serait quelque chose de gagné, quoi. Ce serait une bonne action de gagner. Et même si nos auditrices ou nos auditeurs croisent, par exemple, un sans-abri dans la rue cet après-midi, s'ils vont dans la rue, ne serait-ce qu'une baguette de pain ou je sais pas, une bouteille d'eau, ça pourrait, pour nous, c'est quoi, c'est peut-être 2 euros, mais pour les personnes sans-abri, c'est tout l'or du monde. C'est tout l'or du monde, et encore une fois, ils ont leur univers, ils ont leur façon d'être. J'avais moi croisé des sans-abri qui refusaient presque catégoriquement de on les aide parce que ils avaient peur de voilà, ils avaient peur de voir autre chose. Donc oui, si on peut les aider, enfin il faut les aider. Ça, tout dépend de ressources. Pardon. Si, comme vous dites, si on peut les aider, j'ai complété en disant si on peut les aider, il faut les aider, tout simplement. Oui, bah voilà, c'est juste une satisfaction personnelle, voilà. Allons dire qu'on est égocentrique et puis qu'on regarde uniquement nos bonnes actions, mais en tout cas, voilà, ne pas se, ouais, il faut le faire. On a souvent tendance à se regarder le nombril et puis se dire de regarder tous nos malheurs, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont plus besoin encore. Et puis, si on peut faire du bien autour de soi, voilà, c'est un message positif, encore une fois. Bien sûr, et de plus, le refrain de cette chanson reflète, comme vous le dites, cet état d'esprit dur de réalité. En effet, le refrain dit, je cite, et comme nous allons l'entendre juste après, « Arrêtez-moi, embarquez-moi, fusillez-moi et m'embrassez pas, vous ne pourrez pas penser pour moi. » Fin de citation. Exactement. Donc, est-ce qu'à travers ce morceau, vous avez aussi cette volonté de mettre même les personnes qui écoutent à la place... ma question n'est pas très française, mais en gros, est-ce que vous souhaitez faire en sorte que ceux qui écoutent cette chanson puissent un minimum s'imaginer à la place des sans-abri, ou en fait, quel est le message que vous vouliez faire passer à travers ce refrain? Se mettre à leur place, non, parce que vous savez, les sans-abri, je pense qu'ils n'ont pas décidé d'être dehors. Ils y sont malgré eux, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, c'est des choses malheureuses qui peuvent exister, qui peuvent arriver. Et encore une fois, lorsque j'ai dit dans ce refrain-là, il y a un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que je sais que vous n'allez pas me regarder, m'embrasser pas. De toute façon, vous ne pouvez pas m'embrasser de par les odeurs ou d'autres, ou c'est écœurant. La police, fusillez-moi, de mourir, je n'en ai pas peur, j'ai peur de rien, en fait. Je suis arrivé à un niveau tellement bas, là, c'est, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à l'ailleurs, je ne vous regarde même pas. J'ai pas peur, voilà, la peur n'a pas sa place. D'accord. D'ailleurs, c'est grâce à cette chanson que je vous ai découvert sur le célèbre réseau social sur lequel vous avez partagé cette chanson. Bah, donc, c'est gentil. C'est grâce à ce morceau que j'ai décidé de prendre contact avec vous pour cette émission aujourd'hui, justement. Et donc, avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans un deuxième de vos morceaux, et que nous écoutions, du coup, votre morceau intitulé « Dehors ». D'ailleurs, comme nous le disions, allez, super. Comme nous le disions tout à l'heure, ce titre a droit à son clip sur Internet. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 5 minutes. Donc, à tout de suite. À tout de suite. J'y suis juste un peu pour exister. Ma vie, venez la prendre si vous voulez. La politique, les flics, la justice, je m'en fous. Oubliez-moi et dites-vous bien que je suis déjà devenu fou. Je vis dans la rue, ça fait longtemps déjà. La sortie, je la vois pas. Je fuis, je me noie. La pluie tombe devant moi. Et oui, il est là mon toit. C'est pas ma faute à moi. J'aurais voulu vivre comme un roi. Aujourd'hui je fais le bilan, ils avaient peut-être raison. J'aurais dû t'écouter, papa, quand tu me disais fiston. J'ai essayé quelques fois de m'en sortir. L'amour, la joie, ma foi, essayer de m'anoblir. Je crois que je sais plus ce que je dis, c'est toi qui me fais tenir. Je suis fatigué, j'ai juste envie d'en finir. Laissez-moi, je veux plus dormir dehors. Arrêtez-moi, embarquez-moi, fusillez-moi, m'embrassez pas. Et vous ne pourrez pas penser pour moi. Arrêtez-moi, embarquez-moi, fusillez-moi, m'embrassez pas. Et vous ne pourrez pas. Pour moi, tout ça aurait pu être différent si tu passais pas ta vie à faire semblant et voir qu'il existe bien un homme devant qui est au fond un peu comme toi avant. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h36, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio et même sur notre nouveau site internet https://radioguémozo.radio-website.com/. Partout en France, vous venez d'écouter Papillon avec son morceau intitulé « Dehors » et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Papillon justement qui est là pour nous parler entre autres de sa carrière. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Papillon? Parfait. C'est toujours plaisant d'entendre ces chansons à la radio. Et voilà, j'espère qu'il y a pas mal de gens qui se sont connectés avec vous. En tout cas, voilà, c'est toujours un bonheur de réentendre ce qu'on a fait. Voilà, notre écriture, c'est clair. J'imagine bien, oui. Et donc, du coup, même question que pour le premier titre que nous avons écouté tout à l'heure, bien que nous en ayons déjà parlé. Que souhaitez-vous raconter à travers ce titre, Dehors? J'ai pas compris votre question. Je vous demandais tout simplement, comme pour la première, votre premier titre qu'on a écouté tout à l'heure, quel est le message que souhaitez-vous raconter à travers ce titre « Dehors » ? Ben, je vais un peu comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, voilà, c'est toujours d'aller vers son prochain. Je pense qu'on vit dans une société malheureusement où c'est chacun pour soi et voilà, l'être humain est devenu un peu trop individualiste. Et on voit toujours on se pose toujours sur soi et ce qui est dommage, et c'est important de s'ouvrir et de regarder devant soi. Voilà, de pas penser qu'on est le centre du monde. C'est important d'être ouvert et puis de penser qu'il y a d'autres personnes qui sont devant nous, quoi. D'accord. De pas rester égoïste. Bien sûr. D'ailleurs, parlez-nous un petit peu de ce clip. Qui est l'acteur qui, après, dans ce clip, qui joue le rôle de cette pauvre personne sans abri ? Alors, c'est un acteur remarquable qui s'appelle Michael Pérez, que vous avez pu voir dans plusieurs films. J'ai oublié les titres. En tout cas, c'est un acteur qui est, lorsque je lui ai parlé du projet, il a sans hésiter, il m'a dit oui, mais... de suite, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et je ne saurais vous dire, en tout cas, dans toutes les séries, dans tous les films dans lesquels il a joué, en tout cas, voilà, il s'appelle Michael Pérez. Et c'est un acteur fabuleux. Et je tenais aussi à remercier. J'en profite aussi à Didier Atlan qui m'accompagne en studio, voilà, très souvent au clavier, Vincent Samin et aussi Jérémy Jugnot qui est un grand guitariste aussi, qui a notamment écrit la lettre de Lara Fabian et puis d'autres titres encore qui ont été connus. Voilà, c'est des grands musiciens avec qui je travaille constamment et voilà, je tenais à les féliciter. Yannick Denis. D'accord. Le premier titre, ne t'arrête pas. Virginie Hombel. D'accord. Et donc, justement, qui a réalisé ce clip ? C'est un jeune qui se lançait dans la vidéo, qui s'appelle Rudy Usan. Et lorsque je lui ai proposé le projet, il m'a dit oui, banco. Et un peu comme tout, voilà, je suis allé au feeling et on était un peu fort. Et puis, on a été en immersion. Voilà, on s'est vraiment immergé en extérieur. Et voilà. Et j'ai dit à Mickaël, vas-y. Je te donne libre choix de ce que tu veux faire. Donc il est dans Paris et il a joué le jeu du sans-abri devant tout le monde. D'ailleurs, on peut regarder les regards dans le clip, c'est vraiment des regards vrais. Ce sont des vrais regards, il n'y a pas de comédien, il n'y a pas d'acteur, c'est vraiment fait au feeling en extérieur. D'accord. Et donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus du côté des collaborations. Est-ce que vous en avez déjà fait avec d'autres chanteurs ou d'autres chanteuses ? Alors, des collaborations avec d'autres chanteurs, des collaborations, non. J'ai été beaucoup en voix de studio, en voix off. Je me rappelle qu'à l'époque de la Star Academy, lorsqu'il y a eu Grégory Lemarchal, j'ai eu la chance de chanter un morceau qui était une voix témoin tout simplement pour lui. Sinon de collaborer, non, j'ai aucune collaboration artistique, musicale. D'accord. Grégory Lemarchal, dont on salue la mémoire d'où il est. Exactement. Et justement, parce que là je suis sur votre site internet et j'ai vu que que plusieurs de vos singles verront le jour, dont un avec David Jacob. Oui, en fait, David Jacob, oui, il a été pour moi aussi un élément déclencheur. Je l'ai rencontré dans mon parcours. C'est un grand bassiste, un grand musicien. Il était à l'époque dans les studios de Yemaï, et il était dans ce studio-là où j'ai eu la chance de rentrer. Il a été aussi au début d'un titre, lui qui était un grand bassiste, puisque c'est un des bassistes de Trust, de l'équipe du fabuleux groupe Trust, voilà. Et il m'a composé un titre que j'avais écrit aussi à l'époque, qui revient du groupe de reggae dans lequel j'étais. Mais je le mettrai en ligne aussi dans pas longtemps, celui-ci. Voilà, tellement de choses à mettre que je voulais ne pas trop me pas payer, me disperser dans le style musical très Et vous avez même fait la première partie d'Amir et de Gad Elbaz au Théâtre des Variétés. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait une première partie d'Amir avant qu'il soit vraiment comme ça au devant de la scène, vraiment en 2011. J'ai eu la chance de chanter avec lui et de faire une première partie, oui, exactement. Et puis après, voilà, on connaît tous son ascension vers le succès. Bien sûr. Dès 2013, et puis après avec l'Eurovision, et puis encore jusqu'à présent, voilà, c'est un artiste reconnu, re-reconnu, et puis voilà, c'est un vrai artiste aussi, voilà, ce que j'appelle les vrais artistes à parole musicale, il est entier comme garçon. Voilà. Bien sûr, et vous avez même fait, toujours sur votre site internet, je vois un duo avec Eyal Golan, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, exactement, c'est Eyal Golan, voilà, j'ai eu la chance de participer à un gala. Et puis voilà, j'ai partagé un titre avec ce chanteur-là. Voilà, c'est une grande expérience. Et puis voilà, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma carrière propre en solo. Et donc j'avance. C'est parfois pas facile, mais bon, on tient le cap. Il faut. Et donc, comme nous le disons au début de l'émission, votre carrière est Votre carrière solo est quand même assez récente, bien que vous êtes intéressé par la musique depuis que vous êtes jeune. Donc, est-ce que vous avez déjà eu quelques retours sur vos titres déjà publiés sur Internet? À quel niveau des retours? J'ai des retours tous les jours, vous savez. J'ai des retours tous les jours, des gens qui me remercient. Alors, bien entendu, à mon petit niveau, qui me disent oui, mais alors je combat ma maladie grâce à votre chanson qui me donne la pêche et puis qui me donne cette force d'avancer, déjà super. Et donc je suis toujours touché, oui, c'est tous les jours, c'est au quotidien, j'ai un ou deux messages par jour. C'est vrai que c'est assez flatteur. Hein. Et vous avez même eu certains retours, je l'ai vu en préparant cette émission, de plusieurs magazines différents. De plusieurs magazines, oui, tout à fait, oui. Bah maintenant, j'ai toujours, je suis toujours ouvert et toujours là. D'accord, et donc justement, nous parlions tout à l'heure de votre titre Dehors, avec qui parle d'un sans-abri. Et je crois d'ailleurs savoir que vous œuvrez beaucoup pour différentes associations qui agissent pour aider les plus nécessiteux. Nous pouvons citer par exemple les Restos du Cœur, le Foyer Notre-Dame, oui, des sans-abri, le Secours catholique, oui, ou encore Toi à moi. Oui. Vous invitez même, oui, les gens à soutenir ces associations. Pardon. Donc parlez-nous de votre application personnelle dans ces associations. Bah, tout à fait, je peux faire, je le fais encore une fois. Lorsque j'ai mon livre, ben, je me joins à ces gens qui vont dehors, qui vont au secours de ces gens-là. Et parfois, c'est pas facile, je vais me répéter encore, mais parfois, il y a des hommes ou des femmes qui refusent cette aide-là. Alors, je sais pas pour quelle raison, je pense qu'ils ont leur mode penser, leur mode de vie, mais en tout cas, voilà, c'est une façon pour moi de faire une bonne action, tout simplement. Faire des bonnes actions, pour moi, c'est très important. Enfin, en tout cas, c'est mon leitmotiv personnel. Ça fait partie de moi. D'accord. Justement, comme vous le dites, vous précisez bien que vous ne forcez personne à donner et que chacun est libre d'apporter son soutien à qui il veut. Bien sûr, tout à fait. Car c'est vrai que certaines personnes peuvent croire que certaines associations veulent nous bourrer le crâne, entre guillemets, pour qu'on donne encore et encore. Donc, est-ce que c'est quelque part ce préjugé que vous voulez faire disparaître, ce préjugé du bourrage de crâne, entre guillemets, des associations? Non, pas forcément. On vit dans un système, maintenant, où on a l'impression d'avoir du complotisme, d'être le mouton de basse-cour, ou qu'on veut nous vendre des histoires ou des choses. Non, je pense que c'est loin de tout ça. Non, je suis complètement apolitique dans ce que je dis. Et non, c'est loin de toutes mes pensées, ce que je dis. Et ce que je fais, les actions, pas du tout. Je pousse personne à faire des... En tout cas, je laisse libre place aux gens et à la façon dont ils veulent entrevoir leur vie et faire des choses. Maintenant, voilà, si je peux donner la chance à quelqu'un, ou si je peux donner l'envie de faire des... Et d'aller de l'avant, ben voilà, je me mettrai pour ça en tout cas. D'accord. Donc il est 14h47. Avant d'aller plus loin à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un prochain titre, histoire de reprendre notre souffle et que nous écoutions cette fois le morceau intitulé « Je vole » que vous m'avez gentiment envoyé par mail. Oui. Donc on écoute ce titre « Je vole » et on se retrouve juste après pour l'explication de ce titre et pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite après « Je vole ». Je presse le pas, on me regarde, je cours après le temps et je m'égare, comme un devoir à nous revoir, sortir de ma tour d'ivoire, penser les blessures. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Papillon avec son morceau Je vole. Vous êtes de retour, du coup, comme je le disais, et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio. Et même sur notre nouveau site internet, je rappelle l'adresse https://radiogemozo.radio-website.com/ partout en France. Il est 14h52 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Papillon, justement, qui est là pour nous parler de sa carrière. Tout est toujours bon pour vous ? Oui, je suis toujours là. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédents titres que nous avons écoutés, vous êtes habitué désormais. Que oui. souhaitez-vous raconter à travers ce titre, Je vole ? Alors, c'est un peu... C'est plein de choses. C'est plein de petites histoires dans un grand texte. Je vole, ça, voilà, c'est j'ai eu « Ne t'arrête pas ». Donc le premier morceau. Dehors, c'était c'est une histoire pour parce que ça me tenait à cœur. Et Je vole, c'est le début. Voilà, je l'imagine en fait comme le début d'une carrière. Et donc c'est pour cela que j'ai. Et puis voilà, c'est un message qui est assez gai aussi, c'est voler de ses propres ailes. D'accord. Voilà, toujours, voilà, c'est, je commence même par dire, je presse le pas, on me regarde, c'est parce que voilà, on a beau me regarder, je veux aller vite, et puis je cours après le temps. Voilà, et puis je sais plus, voilà, c'est comme un devoir en fait. D'accord. C'est, oui. Donc du coup, nous allons reprendre le cours de cette émission pendant les quelques minutes qui nous restent. Quand je reçois des chanteurs et des musiciens, j'aime beaucoup poser cette question, et nos auditrices et auditeurs sont habitués. Combien de temps est-ce cela... Est-ce qu'ils aiment y répondre aussi? Est-ce qu'ils aiment répondre? Pardon? Est-ce qu'ils aiment répondre à cette question, ou alors est-ce que c'est une question piège? Bah, en fait, c'est pas une question à nos auditrices et auditeurs, c'est plutôt une question... À vous. En gros, ils sont habitués. D'accord. Ils sont habitués. Oui, non, mais c'est bien ce que j'avais compris. Donc, combien de temps, cela vous prend-il pour fabriquer un texte, on va dire de l'écriture du texte, à l'enregistrement et à la publication sur Internet pour ceux qui sont publiés? Alors, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de temps. Ne t'arrête pas, je l'ai écrit il y a 4 ans. D'accord. Dehors, je l'ai écrit en 20 minutes. C'est prétentieux, mais d'accord. En fait, voilà, il était 1h du matin, je suis sur mon piano, et c'est sorti comme ça. D'accord. C'est sorti comme ça, j'ai écrit, composé, et tout, voilà. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas réellement de temps. Ça dépend de l'inspiration, ça dépend de comment ça se passe. Là, j'ai récemment, voilà, j'ai perdu mon papa il y a 2 mois. J'ai perdu mon beau-père aussi il y a un an à la suite du Covid. Et en fait, toutes ces histoires-là de la vie, elles vous poussent par l'écriture. Et j'ai écrit pas mal de choses. Donc, après, ça dépend. Voilà, ça peut être rapide, ça peut être long, mais en règle générale. Après, je sais pas si tous les artistes, en tout cas, vous l'ont dit, mais moi, je suis indécis. C'est-à-dire que je suis tellement perfectionniste que vous savez, un morceau, vous l'écrivez, mais vous pouvez tellement le faire de différentes façons qu'au final, vous n'êtes jamais satisfait. D'accord, ok. Pas mieux l'améliorer. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez été convaincu ou conquis par ce que je vous ai dit, mais c'est ce que je pense. Ah si, bah bien sûr. On se rend compte que c'est très aléatoire, le temps d'écriture ou autre, ça dépend de l'inspiration, de l'état d'esprit, etc. Et puis je vous cache pas aussi que ça dépend d'une chose aussi, ça dépend aussi de quand vous êtes avec un label, quand vous avez la chance d'être sur un label ou en maison de disques, vous avez une telle équipe que ça va beaucoup plus vite. C'est évident. Hein, que eux, les titres, ils doivent en recevoir, ils doivent en faire tous les jours. C'est complètement différent. C'est deux univers différents. Hein. De l'autoprod à la production. Hein. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Donc, quels sont vos projets futurs, peut-être un album, un EP ou autre? L'album, quand je vous ai dit, il est déjà fait. Donc, en fait, pour l'instant, j'avance difficilement pour financer mes projets. C'est ce qui me prend le plus de temps parce que voilà, c'est très coûteux. En tout cas, voilà, j'avance. Tous mes titres, en tout cas pour le premier album, sont faits. J'ai juste à les diffuser sur les réseaux sociaux et puis voir le retour et puis voilà, avancer toujours, partager et aller au-devant de la scène. Maintenant, avec le Covid qui est passé, enfin j'espère, on va je pense reprendre les places de concert et puis on va essayer d'aller à la conquête. Des gens, des auditeurs, des personnes qui, voilà, on fait de la musique pour pas que pour nous. Donc voilà, c'est très important d'aller de salle en salle, aller en concert, chanter et me produire. C'est vrai. Donner de la force aux artistes qui débutent ou même qui sont confirmés, donner vraiment de la force, surtout après cette longue période de crise sanitaire où ils ne pouvaient pas se produire, pouvoir leur donner de la force, tout simplement. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et puis c'est toutefois. Oui. Pardon? Non, je vous laisse terminer. juste voilà, si toutefois il y a une, aux heures de grande écoute, s'il y a une main, il y a la chance, voilà, je peux envoyer mon album et puis faire. J'en ai d'autres en tout cas, d'autres titres. D'accord, qu'on verra à l'avenir, qu'on aura la surprise. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De la musique, encore de la musique et la santé. Bien sûr, bien sûr. Non, mais toujours en musique, voilà, toujours en musique, vivre en musique. Écoutez, ça, c'est un bon titre, ça, pour la prochaine chanson, vivre en musique. Ah bah. Voilà, c'est mon leitmotiv. La musique, le sourire, aller de l'avant, toujours être optimiste, voilà. Sans mentir et surtout être en accord avec soi, ne pas se mentir. Ne jamais s'arrêter comme soi-même. Ouais, ne pas s'arrêter et d'être soi-même. Ne pas s'inventer de personnage et de vivre sa vie à plein régime. D'accord. Donc le message est passé. C'est donc ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Papillon, d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à vous, Chris. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Voilà, c'était très très plaisant. J'ai passé un bon moment. Et voilà, au plaisir de se retrouver au travers de vos émissions. Avec plaisir. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Avec grand plaisir. Je vous l'enverrai, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques minutes à 15h. D'ici moins d'une minute, qui nous parlera du groupe de rock français Les Pirates, qui a connu brièvement le succès au début des années 1960. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Gemozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Jeannette Berger, qui sera là pour nous parler, entre autres, de sa carrière et de son album studio In My Mind. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo. Merci à vous. Et je vous dis à demain. Merci Chris. Donc salut. Au revoir. Et bonne fête de la musique à tous. Bien sûr.